Voilà, l'histoire est finie. Il y a quand même des petites choses qui se passent entre nous. Il y a quelques semaines, elle m'a écrit « Un jour, tu ne m'aimeras plus du tout ». J'ai trouvé l'idée vraiment triste. Comment pourrais-je renoncer à cette folle beauté dans mon cœur ? D'un autre côté, des fois je me le souhaite, parce que cet amour mort fait souvent très mal.